GIS. We can't stop because we don't stop. We can't stop because we don't stop. Dream team, motherfuckers. Je t'achète des colliers, quoi, tu ne veux plus être en liberté. Laisse-moi ton port USB, ma clé chargée de données, salope. T'as un effet levure sur mon système nerveux. Donc t'approche pas, car tu risquerais de me gonfler. Alors merci, tu veux qu'il y ait quelque chose entre nous, moi aussi un mur. Car la vie est longue, oui je sais, elle est dure. Je te déviergé, désolé, ça ne se répétera plus. Évite d'ouvrir ta bouche pour mentir sur moi, car je pourrais faire de même avec ma tour Eiffel. T'es exactement comme Dora, oui je t'ai exploré. Connais-toi à moi, pouvoir les exporter. Tu veux me voir, Matmetov, de plus près, vas-y zoom. Fais attention, ne l'accorde pas, sinon je te goûte. On n'a pas marché, t'inquiète, y'a encore 25 alphabets. Positionne-toi bien pour que je puisse te cadrer. Ton certificat de naissance est une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse de la compagnie qu'on donne. Toi et moi c'est pour la night, toutes les autres c'est pour la life. Comme il fait jour, toi et moi c'est bye bye ex. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Cher comme une Rolex, dur comme une Durex. Toi et moi c'est pour la night, et maintenant il fait jour donc. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Regarde pas ma bille dans ta bouche comme la rumeur. Rien à foutre de tes sentiments, je veux sentir ta chaleur. Tu te dis les mots doux, petit ne vole pas. Car ta mère la concurrence, ben, elle tolère pas. Ta chatte n'est pas un carnal, va arrête de masquer ma queue. Viens juste quand je ferai la queue. T'as tes ongles Bluetooth à côté, tu restes connecté. Quand c'est l'œil un peu t'es déconnecté. Gucci, Louis, TL, BD. On tombe, on sort, c'est reparti. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Cher comme une Rolex, dur comme une Durex. Toi et moi c'est pour la night, et maintenant il fait jour donc. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Cher comme une Rolex, dur comme une Durex. Toi et moi c'est pour la night, et maintenant il fait jour donc. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Je vais oublier mon ex, passer à la next. Trouver la baisse et lui toutes les restes. T'as fait des jours avec moi, ce n'est que le test. Mais tiens sous confiance, je veux juste que tu me laisses. Et que tu cries ma devise, never I go let go. Ni go let go, let's go. T'es payé pour faire la tepu ou c'est du bénévolat. Je veux ta voix privée sans issue. Répare chez le tailleur quand j'ai déchiré ton tissu. Tu croyais que t'étais un or alors t'as fini plaqué. Nigo sous ton drap, oui je sais que t'as paniqué. Ton portail est ouvert, quand tu feras paniquer. Te prends pas pour ma reine, car tu repartiras dans le même sac que mes autres pions d'échecs. Je te donnerai que du Rucket 4, mes bourses n'ont pas de chèque. L'amour en pavé, c'est juste les jacques faciales. Oui oui, l'amour en pavé, c'est juste les jacques faciales. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Cher comme une Rolex, dur comme une Durex. Toi et moi c'est pour la night, et maintenant il fait jour donc. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Cher comme une Rolex, dur comme une Durex. Toi et moi c'est pour la night, et maintenant il fait jour donc. Bye bye mon ex, bye bye mon ex. Lipo, Zilro, Rolka, Siamer, Exo, Dovish, Bawella, Hip 5. Nigo, on dit quoi? Elle a fait son choix quoi, tu vois. Entre nous maintenant c'est fini quoi, donc je ne peux rien. Elle a fait son choix. Et toi t'en dis quoi TLB? Ben, les histoires d'amour, ça se termine toujours mal. Lipo! Lipo! Ah! Oh. On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve. Ouais.